Bassine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, bienvenue donc à cette 30e édition de Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, et cette émission s'intitule encore Robots et Travail. Voilà, puisque dans la précédente émission, on avait écouté Célia Isoard, journaliste pour la revue de critique sociale itinérante Z, qui nous avait présenté les conséquences politiques et sociales de l'automatisation et de la robotisation générale qui affectent actuellement nos sociétés industrielles. Voilà, elle disait d'ailleurs à ce propos, derrière ce qui est toujours présenté comme l'horizon millénariste de la suppression du travail humain, qu'on prophétise depuis plus de deux siècles, on constate une prolétarisation toujours plus accrue du travail lui-même. En gros, le boulot pourri se démultiplie avec l'automatisation. Et je vous propose donc aujourd'hui d'écouter David Gaborio, qui est sociologue du travail à l'Université Paris-Est, pour rédiger sa thèse. Il a fait de l'observation participante dissimulée, c'est-à-dire qu'il a été embauché comme manutentionnaire en intérim dans plusieurs entrepôts où des ouvriers travaillent sous commande vocale dans les usines à colis. Voilà, il s'inscrit un petit peu dans cette sociologie de terrain qui va voir sur place les conditions de travail et la manière dont les gens vivent tout ça, qui a été inaugurée notamment par Jean-Baptiste Mallet, enfin, qui avait fait la même chose avec la fameuse société Amazon et qui avait écrit en 2013 un livre qui s'appelle « En Amazonie, infiltré dans le meilleur des mondes ». C'est paru aux éditions Fayard. Et donc là, voilà, David Gaborio fait la même chose à propos de la logistique dans la grande distribution alimentaire. Et c'est assez édifiant. Tout de suite, on va écouter David Gaborio. Et ensuite, je présenterai quelques nouveautés dans le même style. Je vais essayer de m'appuyer sur le travail de thèse que j'ai réalisé en sociologie pour essayer de comprendre concrètement sur un univers de travail en particulier en quoi les technologies peuvent impacter le travail. Et je vais me concentrer plus spécifiquement sur un type de travail, du travail ouvrier, dans un domaine qui est encore assez peu connu, qui est celui de la logistique. Alors quand je dis logistique, je veux parler de tous ces entrepôts où sont stockés les produits avant d'arriver dans les lieux de vente, que ce soit des supermarchés, des chaînes de vêtements ou des produits culturels, par exemple, et de plus en plus avant d'arriver directement au domicile. En fait, c'est les entrepôts qu'on peut voir de plus en plus le long des autoroutes, c'est ces gros cubes de tôle ondulés comme celui-ci, qui sont assez uniformes. Ce qu'on a plus de mal à imaginer, c'est qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent et sur des tâches de manutention. Alors, on l'imagine un petit peu mieux depuis la médiatisation d'un cas que celui d'Amazon. Là, c'est une image d'un entrepôt Amazon. Mais en fait, Amazon, c'est aussi un peu devenu l'arbre qui cache la forêt. Alors, c'est un peu normal parce que c'est vraiment l'ennemi idéal, mais je voudrais essayer de montrer que ça masque aussi des problématiques qui sont bien plus larges, à mon avis. Alors moi, je n'ai pas observé en détail le modèle Amazon, mais plutôt les entrepôts de la grande distribution alimentaire, ceux de Carrefour, Leclerc ou Super U par exemple. Et juste avant de commencer, pour observer le travail dans ces entrepôts, j'ai fait ce qu'on appelle de l'observation participante dissimulée, c'est-à-dire que je me suis fait embaucher comme manutentionnaire en intérim dans plusieurs entrepôts et sur des périodes de 2 mois à chaque fois. Alors pourquoi le travail en entrepôt, ça rejoint le thème des nouvelles technologies ? En fait, ce qu'il faut comprendre rapidement, c'est que dans la logistique, il y a vraiment une omniprésence de la traçabilité. Il faut toujours pouvoir suivre les moindres déplacements de chaque colis pour pouvoir essayer de contrôler les flux. Du coup, sur chaque poste, les ouvriers travaillent avec des outils numériques, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement le colis qui est contrôlé dans son déplacement, mais aussi les ouvriers qui le déplacent. Alors dans le e-commerce, pour reprendre cet exemple, l'exemple d'Amazon et d'autres, hein, les ouvriers travaillent tous avec un écran tactile qui est accroché sur le bras. Et c'est cet écran qui leur indique tout ce qu'ils doivent faire et eux enregistrent à chaque fois chacun de leurs déplacements. Si on regarde plus en amont ou plus en aval de toute cette chaîne logistique, les outils équivalents, ça serait le GPS pour le chauffeur routier ou la caisse enregistreuse pour les caissières. Alors dans les entrepôts que moi j'ai observés, ceux de la grande distribution alimentaire, depuis le milieu des années 2000, cet outil qui contrôle la traçabilité et le travail, ça s'appelle la commande vocale. En fait, c'est un système qui consiste en quelque chose d'assez simple a priori, c'est que tous les ouvriers portent sur les oreilles un casque et ils ont un micro devant la bouche c'est une voix numérique, une voix de synthèse, qui leur indique toutes les tâches qu'ils doivent réaliser. Et à chaque fois, ces ouvriers, ils valident en prononçant des mots-clés par reconnaissance vocale. Alors en gros, il y a une espèce de dialogue entre guillemets qui s'instaure. La machine vous dit « commence émission », vous répondez « ok ». Rendez-vous à l'étroit, parce que c'est les allées comme on le voyait juste avant. Ok. Emplacement 23, ok. 3 colis, 1, 2, 3. À chaque fois, on compte comme ça pour valider tout ce qu'on fait. Donc, on voit bien que c'est un exemple assez frappant de ce que l'ordinateur peut faire au travail industriel. C'est-à-dire, non pas le rendre plus qualifié, comme on l'entend de manière assez récurrente, mais au contraire, cette fois, le rendre plus répétitif et plus contraignant. Alors, avant d'évoquer plus précisément les effets de cet outil-là, la commande vocale, je voudrais juste insister rapidement sur la place qu'occupe la logistique dans le capitalisme contemporain. Et je crois que c'est important d'évoquer ce point dans un débat comme celui-ci, parce que ça permet un peu de comprendre pourquoi aujourd'hui on a parfois le sentiment d'être dans une société où il n'y aurait plus beaucoup d'ouvriers, de moins en moins de travail humain et du coup de plus en plus de robots. Cette idée, elle ne correspond pas du tout à la réalité actuelle. Il y a juste 20% de la population active qui est ouvrier. Il y a un homme sur trois en France qui est ouvrier. Mais par contre, cette invisibilité des ouvriers, elle s'explique en partie parce que le monde ouvrier, il a changé. C'est-à-dire qu'en France et dans les pays occidentaux en général, les ouvriers de la grande industrie, de l'industrie manufacturière, ils sont effectivement de moins en moins nombreux. On produit moins de voitures ou moins de machines à laver dans les pays occidentaux. Mais comme c'est quand même nous qui consommons ces produits, principalement nous, il faut bien les acheminer dans les lieux de production, des lieux de production jusqu'au lieu de consommation, c'est-à-dire chez nous. Et ça, c'est le rôle de la logistique, de faire transiter les matières et les biens du capitalisme. Donc la logistique, c'est un peu l'infrastructure du capitalisme. C'est celle qui permet la circulation des flux physiques avec l'infrastructure informatique qui, du coup, permettrait plutôt la circulation des flux d'informations. Alors, cette idée de flux, elle est un peu bizarre, parce qu'on l'entend beaucoup, mais ça donne parfois l'impression de quelque chose qui s'écoule de façon continue, avec légèreté et sans intervention, alors que ce n'est pas du tout le cas, comme on va le voir, comme on le voit sur les images. Hein, mais pour faire circuler ces flux, il faut les concentrer à un moment dans des très gros entrepôts, qui eux sont bien situés chez nous, et dans ces entrepôts il y a des milliers d'ouvriers qui font de la manutention et qui rendent possible le renouvellement permanent des produits dans les rayons des supermarchés ou des livraisons à domicile en un ou deux jours. Juste pour donner un peu des chiffres, en France la logistique ça représente près de 15% des ouvriers contre seulement 8% au début des années 80, ça fait à peu près 700 000 ouvriers. Et les préparateurs de commandes, c'est-à-dire ceux qui portent les casques dont je parlais, c'est un peu devenu, je crois, les nouveaux OS aujourd'hui, qui travailleraient dans des sortes d'usines à colis que seraient les entrepôts. Et si j'utilise le terme d'OS pour ouvrier spécialisé, qui a un peu disparu du vocabulaire courant, c'est bien pour souligner que le taylorisme, il n'a pas tout à fait disparu, et voire même pas du tout, et qui peut même se renouveler sous l'effet des nouvelles technologies. Alors, première chose, comment ça se passe concrètement le travail sous commande vocale ? Alors, une chose importante, c'est que dans un cas comme celui-ci, la machine, c'est pas vraiment le casque audio et le micro. Bien sûr, c'est plutôt le logiciel qui pilote, entre guillemets, l'activité, c'est le terme qu'emploient souvent les cadres. Ces logiciels, c'est ce qu'on appelle des progiciels de gestion, plus souvent des ERP pour Enterprise Resource Planning, enfin c'est le terme qui est utilisé dans les entreprises. C'est des logiciels qu'on retrouve un peu partout et de plus en plus dans le monde du travail. Et c'est très clairement des outils bureaucratiques, comme l'informatique en général. Ils visent à contrôler l'activité, à imposer des procédures, ou voire à anticiper l'avenir dans l'idéal. Alors l'entrepôt, il a son logiciel, comme le supermarché, il a le sien, et comme le fournisseur, l'industriel, a aussi le sien. Et ils sont tous connectés entre eux. Ce réseau informatique, dans la grande distribution, c'est ce qu'on appelle un ECR, pour Efficient Consumer Response. Alors comme je l'ai dit, le logiciel, il est toujours connecté à des métiers. Et concrètement, alors en simplifiant un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, parce que c'est presque ça, lorsque la caissière, elle flash un produit dans le supermarché, le logiciel, automatiquement, il enregistre le produit comme manquant dans le supermarché, et il commande à l'entrepôt, et l'ouvrier, il reçoit l'information dans son casque par l'intermédiaire de la voix de synthèse. Et à l'inverse, quand l'ouvrier va valider vocalement tous ses gestes, le logiciel, il va enregistrer le produit comme manquant dans l'entrepôt, cette fois, pour le commander au fournisseur. Alors qu'est-ce que ça a changé, le guidage vocal, pour les ouvriers des entrepôts ? Avant de travailler sous guidage vocal, dans les entrepôts, les ouvriers travaillaient avec des listings papier. En fait, ils recevaient sur un papier une liste de colis qu'ils devaient prendre, et ils décidaient dans l'ordre dans lequel ils allaient devoir les empiler. Alors c'était un métier qui était déjà physique et déjà répétitif avec des fiches papier, mais autour duquel pouvait quand même se constituer certains savoir-faire. Et par exemple, un des savoir-faire, ça consistait à préparer des belles palettes, c'est-à-dire des piles de colis qui soient bien équilibrées en sélectionnant les produits dans un certain ordre. Alors, en fait, ça donne ça de préparer une palette. Et on choisissait les plus gros, les plus lourds. Il y avait tout un savoir-faire de les empiler. On appelait ça le Tetris. Il y avait... Alors, c'était un peu ça paraît anecdotique comme ça. Mais en fait, le Tetris, c'était pas si anecdotique que ça. Puisqu'une belle palette, l'idée, c'était que c'est une palette qui reste stable dans le camion. Donc, ça facilite le travail du chauffeur. Ça facilite aussi le travail des personnels dans les magasins. Puisqu'elle va pas s'écrouler une fois qu'on va l'ouvrir. Et il y avait comme ça toute une forme de représentation collective du métier. Alors, la commande vocale, elle supprime totalement ce savoir-faire et d'autres savoir-faire. Hein. Parce qu'en fait, elle oblige à suivre un scénario, point par point, qui est dicté par la voie numérique, et pas à construire son propre parcours. Donc ici, il n'y a vraiment aucune possibilité d'anticipation sur la tâche à réaliser, et il y a vraiment une perte d'autonomie qui est très forte dans le travail quotidien. Cet outil produit aussi de l'individualisation dans le travail. En fait, auparavant, c'était des métiers qui nécessitaient quand même de communiquer avec ses collègues. Alors, pour un ensemble de raisons que je ne vais pas complètement détailler, mais il fallait connaître... les horaires d'arrivée des camions, savoir un peu les spécificités de chaque client, ou bien connaître l'organisation du stockage. Et sous commande vocale, on travaille à l'inverse de façon très isolée, puisqu'en fait, il suffit vraiment de suivre les indications de la voix. En plus de ça, le port du casque, ça renforce l'individualisation, ça produit un effet bulle, un peu comme quand on écoute de la musique dans les transports en commun. Et le micro devant la bouche, ça pose aussi problème. Par exemple, lorsqu'on croise un collègue dans l'entrepôt, et qu'on lui dit tout simplement « bonjour », la machine vous répond « répétez, ce mot n'est pas compris ». Bon, alors j'ai pas le son ici, il faut l'imaginer avec une voix de synthèse très numérique. C'est une voix féminine, pour préciser. Alors on peut quand même retirer le casque pour parler plus tranquillement, mais en fait ça nécessite de s'extraire de la tâche pour discuter. On peut pas le faire tout en travaillant. Et justement, s'extraire de la tâche, c'est pas une chose qui est évidente dans l'entrepôt, puisqu'en fait la plupart des préparateurs de commandes, ils sont aussi soumis à des primes de productivité. Alors ces primes, elles peuvent exister sans la commande vocale, mais en fait la traçabilité numérique, elle facilite considérablement la mise en place de ce genre de système, puisque ça instaure un calcul instantané du nombre de colis qui est prélevé par individu et par heure de travail. Donc on a donc une rémunération au rendement, avec des primes qui peuvent atteindre jusqu'à 300 euros par mois, c'est-à-dire plus d'un quart du salaire pour des ouvriers qui sont rémunérés au SMIC. Enfin, il faut ajouter au contrôle par la prime une dernière forme d'encadrement. C'est la possibilité qu'ont les cadres de suivre pas à pas toute l'activité des préparateurs de commandes sur des écrans d'ordinateur. Parce qu'à chaque fois qu'un préparateur y valide une tâche, on voit sur un listing, sur l'écran, où est-ce qu'il se trouve et ce qu'il fait. À peu près toutes les 15 à 30 secondes selon les types d'entrepôts. Pour autant, cette possibilité du contrôle à distance, elle est assez peu utilisée par les cadres. Puisque finalement, on se rend compte que l'encadrement machinique avec la prime, il est suffisamment puissant pour limiter les interventions humaines dans l'encadrement. Alors, deuxième point, comment cette technologie elle est perçue? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas eu de contestation majeure lors de la mise en place de cet outil dans les entrepôts. Alors, il y a quand même eu quelques contestations au tout début au sein de l'encadrement, avec des réunions où il y a des dirigeants qui s'exprimaient et qui disaient que cet outil-là, il était inhumain, c'était le mot qui était employé. Mais en fait, la mise en place, elle a quand même été décidée et tous ces dirigeants, ils l'ont mis en œuvre. Au niveau syndical, ce qui s'est le plus exprimé, c'est la crainte du flicage, le fait de pouvoir suivre les ouvriers dans tout ce qu'ils font. Ce à quoi, en fait, les directions ont assez vite répondu, et notamment en utilisant le cadre réglementaire et les chartes de bonne conduite qui sont imposées par la CNIL et qui, en fait, sont relativement souples. Peu de réactions aussi au niveau du personnel. Alors, d'abord parce qu'il y a une résignation assez forte et qui est plus générale hein, face à un progrès technique qui est toujours perçu et présenté comme inexorable, mais aussi parce qu'il y a eu tout un travail de communication dont une partie était assez convaincante parfois pour les ouvriers, avec au départ l'idée que la commande vocale c'était une modernisation de l'entrepôt, qu'on allait valoriser des métiers, qu'on allait travailler avec l'ordinateur, avec des ordinateurs dans l'entrepôt. Et dans des lieux qui sont souvent assez vétustes, plutôt poussiéreux et un peu sombres comme les entrepôts, c'était un discours qui était plutôt assez bien reçu au départ par le personnel. Il y a aussi tout un discours qui a été produit également par les concepteurs sur l'autonomie au travail. Alors ça peut paraître un peu contradictoire avec ce que je viens de présenter, mais en fait c'est une vision qui est bien particulière de l'autonomie, voire une vision de la liberté même, qu'on retrouve très souvent dans les discours sur le progrès technique. Ici, l'idée, c'est que la commande vocale, elle libère, entre guillemets, la main et les yeux des ouvriers. C'est un discours qu'on retrouve tout le temps. Vous pouvez taper « commande vocale » sur Internet, vous allez le voir dans de nombreuses pages. Parce qu'en fait, on n'a plus besoin de regarder une feuille et d'utiliser un crayon. Donc ça libère la main et les yeux. Et la commande vocale, elle rendrait aussi plus autonome parce qu'on n'a plus besoin des autres pour travailler. Donc ici, liberté et autonomie, en fait, c'est l'idée de ne plus avoir besoin d'entrer au contact avec des objets. L'idée, c'est vraiment ça, c'est que les objets, c'est sale, c'est lourd, alors que la commande vocale, ça serait léger et dématérialisé. Et autonomie aussi, c'est ne plus avoir besoin d'être au contact des humains, et avec l'idée qu'on serait vraiment plus libre en travaillant seul. On voit bien qu'en utilisant d'autres termes, on pourrait appeler ça de l'aliénation et de l'individualisation du travail. Mais voilà, il y a tout un débat, tout un discours qui est produit pour introduire ces notions-là. Alors ça, c'était au début, dans la mise en place. Mais aujourd'hui, dans les entrepôts, tout le monde est à peu près conscient de la réalité du travail sous commande vocale. Donc plus personne en entrepôt ne parle de liberté, d'autonomie ou de requalification. Et la formule qui revient toujours quand les préparateurs de commandes décrivent leur métier, c'est « on est des robots ». Ça, c'est un mot que j'ai entendu très souvent dans les entretiens que j'ai pu conduire avec eux. Et je voudrais revenir rapidement sur cette idée de « on est des robots ». En fait, c'est assez tentant d'utiliser ce terme, de dire que ces ouvriers sont devenus des robots, surtout qu'eux-mêmes prononcent la formule. Et pourtant, c'est un terme qui me paraît pas très satisfaisant, parce que là, on parle bien d'un travail qui est humain, qui est déjà très manuel, qui est très physique en plus. Et il me semble que définir ces ouvriers comme des robots, ce serait anticiper le fait qu'ils pourraient disparaître prochainement, qu'ils pourraient être remplacés par des machines, alors qu'en fait, ils sont de plus en plus nombreux, ces ouvriers-là. Moi, il me semble que si ces ouvriers, ils utilisent ce terme lors des entretiens, c'est plutôt pour anticiper sa formulation par quelqu'un d'autre. En fait, leur activité, elle est tellement stigmatisante, tellement choquante vue de l'extérieur, que préfèrent dire eux-mêmes qu'ils sont des robots plutôt que de l'entendre dire. Et finalement, pour éviter de subir passivement le stigmate du robot, ils préfèrent l'endosser directement. Par contre, si on les observe au quotidien, dans l'entrepôt, on voit bien que l'enjeu, c'est plutôt de toujours prendre de la distance à l'égard de la machine et de la figure du robot. Alors ça tourne principalement, enfin pas seulement, mais beaucoup autour des blagues qui se font autour de la commande vocale. Donc la voix féminine, on lui donne des surnoms ou on l'insulte. Comme c'est une voix féminine, c'est plutôt des insultes à connotation sexiste. On la traite de salope très régulièrement, c'est vraiment le mot qui revient le plus. On peut aussi tromper la machine en lui faisant croire qu'on travaille alors qu'on est en salle de pause. Alors ça donne lieu à des scènes qui sont plutôt comiques, d'ouvriers en salle de pause et qui sont joués comme comiques, qui sont plutôt mis en scène, en train de boire leur café, en train de prononcer « ok, 1, 2 » et de valider des tâches qu'ils devraient être en train de réaliser. Plus sur le côté humour, on peut aussi remplacer des numéros, les numéros qu'on prononce tout le temps à la machine, par des jeux de mots, plutôt que de dire par exemple 4-1, on peut dire 4-1 ou neuneu à la place de 2-2, et si on les enchaîne, ça fait une sorte de combo, et il y a tout un jeu qui se fait autour de ça. Alors je pourrais multiplier les exemples comme celui-ci, comme ceci, et à chaque fois l'idée c'est que ça montre quand même une prise de distance qui est permanente à l'égard de la figure du robot. Mais quand même, il faut souligner que ces détournements et ces contournements, ils restent vraiment très très limités au regard de l'encadrement par la machine au quotidien et par les primes. Alors on peut aussi casser la machine pour exprimer un peu plus frontalement qu'on n'est pas un robot. Alors c'est un bris de machine, pour faire référence au ludisme, qui est assez limité, puisqu'en fait ici on casse pas vraiment la machine, on casse le casque audio. Et le casque audio, c'est pas la machine, c'est juste une interface. Et en fait, il suffit de remplacer le casque pour reprendre le travail là où on l'avait laissé. Mais ça montre bien quand même une sorte de critique de la machine avec les mains qui peuvent casser le casque. Donc vraiment, ces formes de résistance, elles sont intéressantes, mais elles sont vraiment quand même très limitées. Au quotidien, il y a plutôt une sorte d'acceptation contrainte de ces outils-là. Alors je ne vais pas trop insister sur ce dernier aspect, mais il faudra quand même aussi relier cette forme d'acceptation à un point qui est vraiment important, c'est les parcours professionnels de ces ouvriers. Parce qu'en fait, avant l'entrepôt, beaucoup d'entre eux sont passés par des postes de travail qu'ils considèrent comme des repoussoirs absolus qui seraient pires que l'entrepôt. Je pense par exemple au travail à la chaîne dans l'industrie agroalimentaire où on me dit, en comparaison de l'entrepôt, là, on était vraiment des robots. Ou alors des domaines comme la métallurgie, la pétrochimie ou parfois le nucléaire, où ces ouvriers étaient exposés à des risques considérés comme plus graves que ceux de l'entrepôt, c'est-à-dire des risques de cancer. Et à ce moment-là, l'entrepôt s'est défini comme un lieu qui est, entre guillemets, pas pire qu'ailleurs. Puisqu'en fait, leur champ des possibles à eux, c'est-à-dire les métiers auxquels ils ont accès immédiatement, c'est l'univers industriel, au sein duquel l'entrepôt, c'est un lieu pénible parmi d'autres. Alors, dernier point, cette fois sur la santé, sur les effets en termes de santé et sur les façons, ce qui est plus intéressant peut-être, sur la façon dont les entreprises y répondent. Parce qu'en fait, s'il y a quand même une chose qui résiste dans tout ça et qui montre bien que ces ouvriers, ce n'est pas tout à fait des robots, c'est le corps humain. Puisque ces dernières années, le secteur de la logistique, il a connu une très forte hausse des accidents du travail et des maladies professionnelles, avec des taux qui dépassent parfois ceux du bâtiment, du BTP, qui est habituellement le secteur qui est toujours en tête de ces classements. Alors le risque, c'est principalement des problèmes de dos, mais on peut aussi trouver des problèmes d'articulation pour le cou, les épaules, les coudes, les genoux ou les chevilles. Et en fait, le plus souvent, c'est ce qu'on appelle des pathologies de l'hypersollicitation, pour les gestes vraiment répétés, très répétitifs. Et hypersollicitation, on parle beaucoup de troubles musculo-squelettiques aussi, c'est le terme un peu à la mode qui est employé maintenant. Alors c'est pas uniquement lié à la commande vocale, mais celle-ci elle a quand même fortement contribué à ces chiffres-là, puisqu'en fait ça produit la commande vocale dans tous les entrepôts où c'est mis en place, une hausse d'à peu près 15% de la productivité. Et pour avoir une idée de l'effort physique que ça représente au final, il y a une méthode qui est assez simple, c'est de calculer tous les poids qui sont soulevés quotidiennement par ces ouvriers. Pour des produits d'épicerie, on va atteindre 3 à 4 tonnes de produits soulevés, du haut vers le bas ou du bas vers le haut avec des flexions. Pour les boissons, on atteint 7 à 8 tonnes en moyenne. Et dans les fruits et légumes, on peut aller jusqu'à 10 à 12 tonnes de produits qui sont soulevés quotidiennement. Alors ce qui est intéressant sur la santé, c'est de voir que la technologie, qui pourrait être considérée comme une partie du problème, elle est plutôt perçue et mise en avant comme une forme de solution. Alors sur différents points, d'abord une solution pour l'évaluation du problème, parce qu'en fait les experts de la santé, qui sont intervenus très nombreux dans les entrepôts, eux ils font pas beaucoup des mesures de poids comme je l'ai fait là, qui sont pourtant très simples à faire. En revanche, ils vont utiliser des cardiofréquencemètres pour mesurer le pouls cardiaque des préparateurs de commandes, des vidéos avec plusieurs angles pour observer chacun de leurs gestes, ou des capteurs sensoriels qui sont posés à même le corps. Tout ça, ça conduit à une approche qui est très technique de la situation de travail, sans analyse globale du travail. Et par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier des tâches où le rythme cardiaque monte très très vite. Comme par exemple, une de ces tâches, c'est le filmage des palettes. En fait, les palettes comme celle-ci, à la fin, on les entoure d'un film plastique. Et ça, c'est une tâche qui fait augmenter le rythme cardiaque. Une fois qu'on a identifié cette tâche comme faisant augmenter le rythme cardiaque, on décide dans les entrepôts de plus en plus de l'automatiser. Donc on installe des filmeuses automatiques. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en automatisant une petite partie de l'activité, cette tâche uniquement, on restreint encore un peu plus le champ de l'activité des préparateurs de commandes. On le restreint au seul geste de préhension de prendre le colis et le déposer. Donc on diminue encore un peu plus l'activité. Donc c'est vraiment une vision comme ça très, très restreinte du travail. D'autres types de mesures qu'on voit souvent, alors qui sont moins liées à la technique, mais bon, qu'on pourrait aussi relier à ça, c'est tout ce qui est l'imposition des gestes et postures avec des règles un peu classiques, vous savez, comme il faut plier les genoux et pas plier le dos pour prendre des colis. Mais ces règles, elles sont parfois appliquées avec tellement de rigueur dans certains entrepôts qu'à force de plier les genoux, les ouvriers finissent par développer des inflammations du genou. Et ça, c'est des problèmes qui ont été récurrents dans plusieurs entrepôts et qu'on a vu se développer. Alors plus en lien avec la technologie, dans une période très récente, face au maintien en fait, des taux élevés d'accidents du travail et des maladies professionnelles, on a vu apparaître dans les entrepôts un nouvel aspect de la santé au travail. C'est ce qu'on appelle, ce que tu as présenté un peu Célia, la cobotique. Alors c'est pas seulement dans les entrepôts, mais c'est vraiment un domaine où c'est très présent. Cette idée, tu l'as dit, d'une collaboration entre les hommes et les robots. Et le cobot qu'on va retrouver le plus souvent dans le monde industriel, ou en tout cas dans le monde des entrepôts, c'est l'exosquelette. Donc c'est une machine, une armature qui est posée sur le dos. C'est assez connu, je pense, vous avez peut-être déjà vu ça, mais... et qui accompagne chacun des mouvements pour le port de charge lourde. Alors pour l'instant, ça existe assez peu, mais c'est testé dans beaucoup d'endroits et les directions en parlent beaucoup. Il y a aussi des formes de cobotique qui sont vraiment cette fois liées spécifiquement au monde des entrepôts. Ici, c'est un système qui s'appelle Ecopic. Ecopic, en fait, c'est un mât qui est installé sur le chariot des préparateurs de commandes avec un filin. Et les préparateurs de commandes, le filin, il est rattaché aux mains avec des gants. Les préparateurs de commandes, ils ont une bague au doigt. Et quand on appuie sur la bague, le filin se détend. On prend le colis et quand on relâche la bague, le filin se retend et il accompagne le mouvement du préparateur de commandes. Avec un effet marionnette qui est souvent cité quand on en parle et qui fait un peu peur quand même. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'images qu'on peut trouver en ligne de ce système. Alors ici encore, on voit bien que le sens des mots il est complètement détourné. On parle de collaboration, comme on parlait d'autonomie auparavant. Alors que si on revient un petit peu sur l'avènement de ces outils, comment ils arrivent dans l'entrepôt, on voit bien que l'idée, c'est pas d'aider les gens, mais plutôt de faire en sorte de maintenir un rythme industriel et un rythme que les corps ne supportent plus, sans toucher, et c'est ça vraiment l'enjeu, sans toucher à l'organisation du travail. plutôt que de modifier l'organisation du travail, d'adapter le travail à l'humain, comme c'est précisé dans le code du travail, on préfère équiper le corps humain d'une machine. C'est moins contraignant pour les entreprises. Et ça renvoie aussi à toutes les théories du courant transhumaniste qui prônent une amélioration du corps humain par les machines, mais qui généralement utilisent des exemples pour se mettre en avant qui sont un peu plus enthousiasmants que ceux-ci. Et si on revient sur la trajectoire du travail que j'ai présentée, on voit bien que c'est une trajectoire de perte d'autonomie et qu'avec la cobotique, c'est plutôt une étape supplémentaire. Et ici, ce qui est plutôt inquiétant, c'est que c'est directement le corps qui est contrôlé sous prétexte de santé au travail. Alors un dernier point sur la santé que je vais utiliser comme une forme de conclusion, c'est l'omniprésence aujourd'hui dans les discours de l'encadrement logistique, de l'idée d'une automatisation à venir des entrepôts. Alors en fait, c'est un sujet qui intervient presque systématiquement quand on discute avec des cadres des problèmes de santé au travail. Il y a vraiment cette idée chez eux que les entrepôts aujourd'hui seraient dans une impasse avec la santé au travail et que l'automatisation, ça serait la porte de sortie. Alors aujourd'hui, si on regarde concrètement, il y a bien certaines plateformes logistiques qui sont présentées comme étant automatisées, mais on est encore très très loin d'un mouvement d'ensemble. Et pour une part, les entrepôts qui sont dits automatisés, c'est ceux qui fonctionnent avec ce qu'on appelle un convoyeur. Et en fait, le convoyeur, c'est une sorte de grand tapis roulant sur lequel circulent les colis. Donc dans ces entrepôts, effectivement, il n'y a plus de préparateur de commandes puisque les produits circulent sur des colis. Mais en fait, on voit apparaître de nouveaux postes de travail qui en fait semblent encore plus contraignants que la préparation de commandes. Et je pense par exemple à un poste en particulier qui s'appelle le poste d'injecteur et qui se développe beaucoup actuellement. C'est les ouvriers qui injectent les colis sur le tapis roulant. Alors non seulement c'est encore plus répétitif que la préparation de commandes, les ouvriers ici dans cet entrepôt pour la presse, ils déposent 500 colis à l'heure sur le tapis, et c'est des colis de journaux qui sont plutôt assez lourds. Mais en plus c'est un travail qui est posté, où il n'y a pas de déplacement possible, comme des ouvriers classiques travaillant en chaîne. Alors dans la grande distribution, il y a quand même quelques entrepôts, deux ou trois en France, qui fonctionnent avec très peu de manutention, où les ouvriers se contentent presque, pas tout à fait, mais de contrôler les flux. Ils sont très peu nombreux, et c'est vraiment les entrepôts les plus modernes. Mais ces entrepôts, que je commence tout juste à observer, qui sont vraiment tout nouveaux, hein, ils demandent des investissements qui sont absolument énormes. Et en fait, c'est des entrepôts qui sont développés pour des produits qui sont assez spécifiques. C'est tous les produits qui sont les plus simples à manipuler. Alors, moi, de mon côté, je ne peux pas vraiment vous dire si cette prophétie de l'automatisation, elle va se réaliser dans la logistique. Il me semble que ce mouvement, il est très très lent et qu'il concerne que certaines parties de la logistique. Et comme je le disais, il ne supprime pas tous les postes pénibles de toute façon. Mais ce qu'on peut déjà affirmer, c'est que cette prophétie, elle impacte déjà le présent. Elle impacte le groupe ouvrier en faisant croire à son obsolescence. On ne voit pas, du coup, c'est ce que tu as dit, quel intérêt il pourrait y avoir à défendre son métier si on nous explique tout le temps qu'il est condamné à disparaître. Elle permet aussi, et ça je crois que c'est très important, de renouveler des idéaux en projetant un avenir radieux. Ça permet de renouveler l'idéal du progrès technique, la croyance dans les bienfaits de la modernisation du travail, entre guillemets, la modernisation. Et plus largement, elle permet aussi de renouveler l'idéal du capitalisme. Actuellement, ce que je trouve impressionnant, c'est de voir que dans la logistique, et quand on regarde les articles qui sont produits en ligne ou dans les journaux spécialisés, on parle plus des robots à venir que des ouvriers du présent, et de la façon dont eux subissent un taylorisme assisté par ordinateur. Je crois que ce qui se passe dans ce secteur, ça rejoint finalement une tendance qui est plus générale, qui est très forte depuis le début des années 80, mais qui se renouvelle en permanence, de production d'une chimère, qui est celle d'une usine sans ouvriers, voire d'un monde sans ouvriers. Et si on remonte un peu plus loin dans le temps, on voit bien que c'est une promesse qui est vraiment inhérente au processus d'industrialisation, qui doit toujours promettre, à minima, un allègement des efforts individuels contre l'encadrement et la perte de sens au travail. De ce point de vue, je crois qu'il faut vraiment aborder la critique du robot avec précaution, c'est-à-dire en la déchargeant de toutes les fausses promesses qu'elle contient, celle d'un monde, notamment d'un monde sans effort et sans pénibilité au travail. Et je crois qu'un des moyens d'y parvenir, c'est d'essayer de comprendre ce qui pourrait se passer dans les usines du futur, en regardant bien les usines du présent, et en fait d'essayer d'éviter de prendre comme des vérités les mirages technologiques qui en fait s'éloignent dès qu'on s'en approche. Voilà, je vous remercie. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de Moisin, et on vient d'entendre David Gaborio, qui est sociologue du travail, nous parler donc de la face cachée des supermarchés. Voilà, David Gaborio a été interviewé dans la revue du critique social itinérante Z, numéro 9, qui était consacrée à la ville de Toulouse. Cette interview est intitulée « La chimère de l'usine sans ouvriers occulte la réalité du travail ». David Gaborio avait cité Jean-Baptiste Mallet en Amazonie, infiltré dans le meilleur des mondes. C'est paru aux éditions Fayard en 2013. Et là aussi, c'est une enquête de terrain menée par quelqu'un qui s'est fait embaucher dans les entrepôts pour aller voir quelles sont les conditions de travail, la manière dont les ouvriers les vivent, et finalement analyser aussi ce que ça implique en termes de transformation du travail, ce genre d'automatisation partielle, voire même plus ou moins totale, de cette logistique. On va continuer cette émission avec quelques ouvrages qui sont parus récemment, et notamment de Nicolas Scar, « Remplacer l'humain, critique de l'automatisation de la société ». C'est paru aux éditions L'Échappée cette année, en 2017. Voilà un petit ouvrage, là aussi assez critique sur l'automatisation. Je vous lis la quatrième de couverture. « Les systèmes automatisés ont envahi notre quotidien via les applications pour le smartphone, les GPS, les objets connectés, les robots ou drones domestiques, et bientôt les voitures sans conducteur. Chaque jour plus innovantes, ces technologies se proposent de soulager notre esprit, de nous épargner des efforts inutiles et de supprimer les frictions et ralentissements dans nos vies. » Censée alléger le travail des ouvriers et accroître les gains de productivité, l'automatisation a été introduite dans les manufactures pendant la révolution industrielle. Grâce à l'irrésistible essor de la robotique et de l'informatique, elle n'a cessé de se développer, d'abord dans l'industrie, puis dans tous les domaines. Aviation, finance, architecture, design, ressources humaines, médecine, justice, enseignement, etc. En s'appuyant sur des exemples concrets et des études scientifiques diverses, Nicolas Scar démontre que notre dépendance accrue au système automatisé n'est pas sans danger. En faisant de moins en moins appel à nos sens, à notre expérience et à nos facultés intellectuelles, nous risquons de perdre notre autonomie, nos savoir-faire et notre pouvoir de décision. C'est pourquoi il est urgent de nous opposer à l'automatisation intégrale de la société et de remettre en cause le primat de la technologie sur l'humain. Voilà, Nicolas Scar, qui, si mes informations sont exactes, est un ancien rédacteur en chef de la Harvard Business Review, donc c'est pas vraiment un gauchiste, on peut dire. C'est un Américain qui fait partie de ces personnes assez critiques sur les technologies. Voilà, en 2008, il avait publié un article qui avait défrayé la chronique à l'époque. C'est ce que Google nous rend idiot. Ça a été traduit très vite en français. On le trouve facilement sur Internet, mais si vous voulez que je vous envoie ce petit texte d'une douzaine de pages, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Déjà, à l'époque, il dénonçait la perte de réalité qu'impliquait l'usage intensif d'Internet. Et quelques années après, il a transformé ce petit article en un bouquin assez fouillé, qui s'appelle « Internet nous rend-il bêtes ?». Ça a été publié en français aux éditions Robert Laffont en 2011. Ouais, c'est ça, en 2011. C'est là aussi quelque chose d'assez intéressant de la part d'Américains, de gens qui sont en plein dedans et qui se rendent compte qu'il y a quand même un petit problème. Bah, je vous lis la quatrième de couverture de ce bouquin aussi. Faites donc ce test. Lisez tranquillement ce livre sans aller surfer sur Internet. Vous pensez ne pas pouvoir y parvenir? C'est que Nicolas Carr a raison. Internet a déjà modifié votre cerveau. Et si notre esprit et notre comportement social étaient totalement bouleversés à l'heure d'Internet? Voilà la question fondamentale que Nicolas Carr, éditorialiste parmi les plus célèbres du monde anglo-saxon, ose poser dans son ouvrage. Aujourd'hui, face aux écrans qui nous bombardent de messages, où s'entrechoquent textes, vidéos, photos, interviews, liens hypertextes, publicités bruyantes, restons-nous capables de nous concentrer? Comment notre éducation et celle de nos enfants va-t-elle être modifiée? Si on a quelques raisons de s'inquiéter, on ne saurait cependant oublier que le cerveau a su s'adapter depuis des centaines de milliers d'années à toutes les situations. Pourquoi pas à cette nouvelle technologie? La présentation est un petit peu tronquée, puis dans la mesure où c'est quand même un livre assez critique, qui dit en gros qu'il faut quand même prendre ses distances avec cette dépendance à Internet. Donc à propos de Internet rend-il bête, j'étais tombé sur cette citation. Voilà, l'interactivité du net nous donne de nouveaux outils puissants pour trouver des informations, pour nous exprimer et dialoguer avec les autres. Elle fait aussi de nous des rats de laboratoire qui appuient sans arrêt sur des leviers pour recevoir de minuscules croquettes d'aliments sociaux ou intellectuels. Ça donne un petit peu le ton du bouquin. Pour revenir à son dernier livre, donc « Remplacer l'humain, critique de l'automatisation de la société », là aussi c'est une enquête assez fouillée. Il commence en évoquant le fait que l'Agence fédérale de l'aviation américaine avait publié une petite lettre circulaire qui incitait les pilotes d'avion à revenir en mode manuel et à essayer de se passer le plus possible du pilotage automatique. Nicolas Carr développe bien d'autres exemples pour montrer que l'automatisation n'est pas la panacée, voire même qu'elle crée des gens qui sont d'une certaine manière handicapés face à des systèmes un peu plus simples qui ne se prétendent pas se substituer à l'activité humaine. Donc voilà, c'est un ouvrage assez intéressant. Ça fait environ 250 pages. Pour 19€, c'est aux éditions L'Échappée que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. Sinon, aussi, ça vient juste de sortir, puisqu'on a encore un petit peu de temps. La revue L'Inventaire, le numéro 6, vient de sortir, automne 2017. Petite revue publiée par les éditions La Lenteur au prix de 10€. Je vous lis le petit exergue qu'il y a sur la couverture. Pour tous ceux qui ne veulent ni déléguer la conduite de leur vie, ni céder leur part des affaires communes, ni renoncer à leur humaine condition. C'est une revue d'environ 80 à 90 pages et qui aborde différents sujets, on pourrait dire anti-industriels entre guillemets. Est-ce que je vous lis l'éditorial ? Pourquoi pas, c'est assez marrant, il nous reste un peu de temps. À ceux qui cherchent à juste titre des éclaircissements sur l'étrange séquence politique qui nous a conduits, paraît-il, au seuil du nouvel ère, ce numéro ne fournira pas d'analyse factuelle. Nous pensons néanmoins qu'on pourra y trouver des ressources substantielles pour les combats qui s'annoncent. Nous souscrivons à cette déclaration de Mathieu Amièche dans un texte qui a eu quelques échos sur la toile. L'enjeu du quinquennat qui commence est clair comme de la silice. Il s'agit pour M. Macron et sa troupe d'accélérer la conversion des Français à la vie.com, comme le disait une publicité pour un fournisseur d'accès à l'internet il y a quelques années. C'est-à-dire à la fois renforcer l'emprise du capitalisme de haute technologie sur la vie des gens et les faire collaborer activement avec enthousiasme à ce renforcement. Voilà une bonne définition de l'économie collaborative, faire adhérer les gens à leurs propres dépositions, comme quand des personnes renoncent à habiter leur appartement pour le louer par l'entremise d'Airbnb. Ce texte de Mathieu Amièche, c'est Lettre ouverte à Monsieur Servian. Petite analyse de l'ère Macron qui s'ouvre donc, la suite de l'éditorial de l'Inventaire. Nous laissons après cela le lecteur juger de notre traitement de l'inactualité brûlante. Pour commencer, Nicolas Aiguezier nous propose une traduction d'un texte d'Alfonso Bernardinelli, figure de la critique sociale italienne de la fin du XXe siècle. À l'occasion d'une réflexion sur l'œuvre de l'historien américain Christopher Lash, différents thèmes sont abordés, rapidement mais avec une acuité qui repose sur l'expérience accumulée au cours d'une vie, le rapport de l'intellectuel critique aux gens ordinaires, les mérites respectifs de différents auteurs qui amènent à pointer les qualités essentielles pour un travail critique contemporain, l'importance de la notion de limite pour la culture et l'éducation. A contrario, le refus de toute limite, y compris celle qui définissent la condition humaine, est une caractéristique de la modernité occidentale. On en trouve l'expression paroxystique dans le mouvement transhumaniste évoqué par Aurélien Berland à l'occasion d'une réflexion sur le récent concept de citoyen augmenté. Loin de ceux qui veulent croire que l'appareillage numérique pourrait enrayer la dépolitisation des prétendus citoyens, il y voit plutôt un moyen de se délivrer de la politique. Cette aspiration n'est pas sans précédent et on y retrouve notamment des éléments communs aux grandes religions dénigrant la condition humaine. Cela ne surprendra pas ceux qui sont convaincus que ce qui anime les partisans du développement technoscientifique relève de la foi. Elle leur donne le confort de se réclamer de la rationalité pure tout en se dispensant d'une critique de leur propre activité. C'est donc avec plaisir qu'on lira le récit d'une critique en acte des scientifiques qui participent à l'artificialisation du monde et à son appropriation par les multinationales de l'agrobusiness. Argumentaire détaillé à l'appui, des camarades suisses invitent à soutenir financièrement deux personnes condamnées pour avoir perturbé un congrès sur la sélection végétale. Nous relayons leur appel. Nous publions à nouveau une note de lecture de José Ardillo, consacrée à une stimulante réflexion sur la tradition du socialisme utopique, publiée après la Seconde Guerre mondiale par Martin Buber. Pour ce dernier, comme pour les auteurs qui l'étudient, une révolution véritable ne peut que s'appuyer sur les formes. Pour ce dernier, comme pour les auteurs qui l'étudient, une révolution véritable ne peut que s'appuyer sur des formes communautaires existant préalablement en les animant d'un esprit nouveau. Il nous reste à nous demander ce que cela peut signifier après la dissolution générale des relations sociales directes, remplacées par des produits, des services, des guichets, dont la numérisation a maintenant atteint un stade avancé. Voilà, à propos de Martin Buber, c'est le livre Utopie et socialisme qui a été recensé, et Racine de Moisin avait passé une interview de l'éditeur Patrick Marcolini, et vous pouvez toujours écouter cette émission sur le site de Radio Zinzine. Donc la suite de l'éditorial de l'inventaire numéro 6. Ces préoccupations étaient déjà celles de Louis Mercier-Vega dans un texte de 1970 que nous reproduisons. En quelques paragraphes, y sont esquissés les principaux aspects de ce qui, déjà, n'était plus vraiment la classe ouvrière, avec une conclusion sans appel. Si le développement industriel peut, par le rejet, susciter l'aspiration aux idéaux libertaires, il rend leur réalisation de plus en plus improbable. Comme on peut le voir, nous peinons à prendre l'élan positif que s'efforce de nous donner notre fringant exécutif, et nous nous en excusons. Pour soutenir nos lecteurs dans cette nouvelle visite des impasses de notre monde, nous leur offrons néanmoins un poème, proposé par David Linkowski et le credo professé par Lewis Mumford en 1930, déniché et traduit par Annie Gouilleux, qui conserve aujourd'hui encore sa pertinence, sa force et sa beauté. Puisse ce surprenant cadeau du passé amener un peu d'air frais à ceux qui le liront. Finissons par signaler que l'inventaire change d'adresse, tant pour des raisons pratiques que bassement tactiques, dans l'espoir que ce déplacement réussira à détourner l'attention de l'augmentation légère du prix des abonnements. Vous pouvez en effet vous procurer l'inventaire, les 6 numéros, à l'adresse Les Petits Bouchoux, avec Choux à la fin, 39 370 Les Bouchoux. Tous les numéros sont à 10 euros, port compris, mais sinon vous pouvez le commander aussi dans une librairie, puisque l'inventaire est paru aux éditions La Lenteur, au prix de 10 euros l'exemplaire, et c'est distribué dans toutes les bonnes librairies. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.